grande déception. Moi vrai, un bon voyage en avion. Moi vrai, cinéma, moi manger, moi bien vrai, moi dormi, moi levé. Avant c'était français, moi t'es qu'à parler. Mais les moi arrivé à Paris, moi dormi dehors, moi dormi dehors, moi dormi en dans l'eau. Moi dormi dehors, moi dormi en tout en métro. Café fête, fête, bon radon frigidaire. Moi pas même si non vieux bilover. Moi vini si vraie misère. Moi t'es à ton sang belle lèvre, sa faute de fille qui mettait moi dehors. Ça qui plus belle encore. Moi j'ai café cloche, million situation folklorique. Moi dormi dehors, moi dormi dehors, moi dormi en dalo. Moi dormi dehors, moi dormi en tout à métro. Zambella, Zambella, Zambella, trois maisons belles, chasseurs de lit.